Mais un matin, Zidore eut une idée. C'était de ne plus remuer Coco. Il en avait assez d'aller si loin pour cette carcasse. Il vint cependant, pour savourer sa vengeance. La bête inquiète le regardait. Il ne la battit pas ce jour-là. Il tournait autour, les mains dans les poches. Même, il fit mine de la changer de place. Mais il renfonça le piquet juste dans le même trou et s'en alla, enchanté de son invention. Le cheval, le voyant partir, hennit pour le rappeler. Mais le goujat se mit à courir, le laissant seul, tout seul dans son vallon, bien attaché et sans un brin d'herbe à portée de la mâchoire. Affamé, il essaya d'atteindre la grasse verdure qu'il touchait du bout de ses naseaux. Il se mit sur les genoux, tendant le cou, allongeant ses grandes lèvres baveuses. Ce fut en vain. Tout le jour, elle s'épuisa, la vieille bête, un effort inutile, un effort terrible. La faim la dévorait, rendue plus affreuse par la vue de toute la verte nourriture qui s'étendait par l'horizon. Le goujat ne revint point ce jour-là. Il vagabonda par les bois pour chercher des nids. Il reparut le lendemain. Coco, exténué, s'était couché. Il se leva en apercevant l'enfant, attendant enfin d'être changé de place. Mais le petit paysan ne toucha même pas au maillet, jeté dans l'herbe. Il s'approcha, regardait l'animal, lui lança dans le nez une motte de terre qui s'écrasa sur le poulet blanc, et il repartit en sifflant. Le cheval resta debout, tant qu'il put l'apercevoir encore. Puis, sentant bien que ses tentatives pour atteindre l'herbe voisine seraient inutiles, il s'étendit de nouveau sur le flanc et ferma les yeux. Le lendemain, Zidore ne vint pas. Quand il approcha, le jour suivant, de Coco toujours étendu, il s'aperçut qu'il était mort. Alors, il demeura debout, le regardant, content de son œuvre, étonné en même temps que ce fût déjà fini. Il le toucha du pied, leva une de ses jambes, puis la laissa retomber, s'assit dessus et resta là, les yeux fixés dans l'herbe et sans penser à rien. Il revint à la ferme, mais il ne dit pas l'accident, car il voulait vagabonder encore, aux heures où, d'ordinaire, il allait changer de place le cheval. Il alla le voir le lendemain. Des corbeaux s'envolèrent à son approche. Des mouches innombrables se promenaient sur le cadavre et bourdonnaient alentour. En rentrant, il annonça la chose. La bête était si vieille que personne ne s'étonna. Le maître dit à Devalet : « Prenez vos pelles, vous ferez un trou là où ce qu'il est. » Et les hommes enfouirent le cheval juste à la place où il était mort de faim. Et l'herbe poussa drue, verdoyante, vigoureuse, nourrie par le pauvre corps.